Dernier moment de Louis XI. Le roi apprend qu'il est perdu. Quel coup ce fut pour lui d'entendre cette nouvelle et cet arrêt. Car jamais homme ne craignit autant la mort et ne prit autant de peine dans le vain espoir de s'en garantir. Durant toute sa vie, il avait demandé à ses serviteurs et à moi-même que si on le voyait à toute extrémité, on ne le lui dit point et qu'on se contenta de l'inviter à se confesser sans prononcer devant lui ce mot cruel de « mort », car il lui semblait qu'il n'aurait jamais le cœur d'entendre une si pénible sentence. Il la supporta pourtant stoïquement, ainsi que tout le reste, jusqu'à la mort, et mieux qu'aucun homme que j'ai jamais vu mourir. À son fils, qu'il nommait le roi, il fit transmettre diverses recommandations. Puis, il se confessa très bien et dit plusieurs oraisons de circonstances selon les sacrements qu'il recevait, sacrements qu'il avait demandés lui-même. Il avait aussi la parole aussi ferme que si jamais il n'eût été malade, et parlait de tout ce qui pouvait servir au roi son fils.